Agoriacri, cœur trahi. Agoriacri, cœur détruit. Larmes oubliées, le sang blémi, l'amant volé, l'essence vieillie, l'essence tarie, l'espoir meurtri. La vie frémit, le souffle supplie, en cœur et encore, le corps implore. Que t'importe, devenue cloporte, presque morte, que j'en sorte, triste cohorte, je vous exhorte. Calliopée syncopée, d'un chant respiré, douceur angélique, candeur magnifique, langueur prophétique, attente mirifique. D'une plume caressée, d'un souffle inspiré, corps et âme libérés, cœur exsangue, finalement consolé. Sur terre exilée, à un fil attaché, la vie blessée s'en est allée. De toute langue, clameur enchantée, de merci et louange sans fin, vers le ciel lancé à toute volée comme bouquet aux anges et séraphins. D'ailleurs de nuit et de matin promis, gardien chéri et béni, bien-aimé et sacré. Clarissant.